Sabine Chon, Fripon, compère et filou. Dans le jardin de mon papy, les légumes s'amusaient bien. Mais ils jouaient à de drôles de jeux. Fripon le potiron rangeait les carottes dans sa culotte. Compère la pomme de terre faisait du tricot avec les fils des haricots. Et filou le chou peignait un tableau avec les poireaux. Papy s'est fâché tout rouge, plus rouge que ses tomates, qui étaient encore vertes. Il prit Fripon, compère et filou, les donna à mamie, qui les transforma en soupe. Comme on s'est bien régalé!